HLM, c'est ça. Où ça? And I told about equality. And it's you either you're wrong or you're right. Ou encore ça. HLM, c'est toujours aussi bon. Bien, nous sommes sur la ligne de départ. Oui, c'est 120 au compteur. Évidemment, donc on vous l'avait promis, on est là, c'est la première émission. Toute la bande est ici pour ces 120 minutes. Alors, je vais vous garder le suspense, puisqu'en fait, chacun va se présenter. On est tout nouveau, on est arrivé, on est sur les ondes, on est sur 107.9 RLM. Et croyez-nous, on est bien. Et on va commencer par Onissa qui est avec nous. Bonsoir, Onissa. Hello, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, heureuse. Ah oui. Alors, ce soir, évidemment, dans l'émission, toi, tu as un rôle mais prédominant. Tu vas nous parler de... Des dessins animés. Ouais, ça va être génial. Alors, tu vas nous présenter, évidemment, notre animateur aussi. Qui est avec nous ce soir. Salut Canon, comment tu vas ? Salut, bonsoir la France, bonsoir la Belgique et bonsoir l'Europe. Je ne change pas de version. Vous allez bien ? Je suis content de vous revoir. Enfin, nous aussi également. Pas tous, mais certains. Alors Canon, toi évidemment, on te retrouve pour ta chronique. Alors, comment on va l'intituler ? Je vais reprendre en fait ce qui avait fait mon succès légendaire il y a un an et demi, c'était les chroniques de Canon. En fait, le but, ça sera d'identifier un groupe. Voilà, je vais le faire à l'envers, c'est-à-dire je vais vous donner des indices pour que vous essayiez de trouver un groupe mythique des années 80 jusqu'aux années 2001. Voilà, avec de la musique et tout plein un programme, de choses comme tout ça. Un programme. Tout un programme. Hein. Alors on a aussi avec nous, alors on a communiqué sur Facebook parce que c'est notre Get Star qu'on retrouvera normalement une fois par mois. Peut-être deux fois. Allez. Il est avec nous, c'est Didier Stéphache. Oui, bonsoir. Bonsoir Ludo. Oh là, la voix de Stentor ici. T'as changé de voix ? Ça fait plaisir de vous retrouver. Oui, carrément. Alors Stéphache, effectivement, tu nous rejoins pour une chronique, alors peut-être bimensuelle ou mensuelle, c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'on va y réfléchir. Alors là, c'est la première, donc forcément, je suis venu pour la première. Bah oui, il faut que tu marques. Et donc, un défi mix. Mais qu'est-ce que c'est que le défi mix ? Un défi mix sur quasiment 4 décennies, donc pratiquement 40 ans de musique. Et donc, un tirage au sort effectué ici, donc par vous-même, de 6 titres, sachant que ça va être 6 titres sur ces 4 décennies, ça va être le mélange. Et donc, le but pour moi, l'objectif, c'est d'essayer de mixer ces morceaux sur une seule session et de vous faire quelque chose de propre. Et donc, tu ça promet. Parce que oui, il faut le dire, ils mixent en live. Oui, là, ils platinent et on mixe toujours en live. On mixe toujours en live. Oui, oui, mais beaucoup l'oublient. Et oui, bah, absolument. Alors, on a aussi également Sherlock qui est avec nous et qui est aussi à la technique et qui est notre monsieur ciné à nous. Sherlock, oui, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Salut, Lulu. Alors, toi, bonsoir, les amis. Bravo. Alors, Sherlock, évidemment, ciné. Oui, bien sûr. Ouais, je vais vous faire les sorties ciné, donc les sorties au cinéma qui vont sortir demain. Donc en France et en Belgique. En France et en Belgique, ouais, effectivement. Et je vais revenir également sur un film donc de ces 40 dernières années que je vais essayer de vous faire deviner. Génial. Ça, on va adorer. Donc c'est tout un programme. Alors moi de mon côté aussi, je vous apporterai quelques petites idées de sortie ici dans la région, localement, que ce soit du côté de la Belgique ou à côté de la France. Mais est-ce que tu t'es présenté ? On va te présenter, oui, au moins connaître ton nom. Parce que c'est la première fois qu'on te rencontre. J'ai manqué à mes obligations. C'est moi, Harry. Ah, c'est moi. Je vous avais dit que c'est lui. Il a changé. Hein. Oui, c'est vrai, absolument. Et puis donc moi je vous parlerai, je vous donnerai des idées de sortie. Et puis aussi je vous parlerai aussi plein de choses, des pubs, des produits, des plein de trucs. Enfin, ce sera des chroniques que j'aime à appeler inattendues. Voilà, ah, super. Wow, inattendues. Super. Personne ne les attend, mais moi je serai là pour en parler. Voilà. On peut se permettre aussi en une fois, c'est un petit bisou à tous les auditeurs de RLM et puis des gens qui nous suivent depuis très longtemps, qui nous rejoignent. Absolument, voilà, absolument. Merci d'être là. Précisons aussi également que c'est aussi pour vous, chers amis auditeurs, un espace d'expression. Si vous avez envie de vous exprimer, il y a notre page Facebook qui s'intitule 120 au compteur sur RLM, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Alors si vous ne nous avez pas encore rejoint, n'hésitez pas, on va se faire un plaisir de vous intégrer donc dans notre communauté, si on peut l'appeler on en a eu pas mal ces derniers jours. Oui. Ouais. Et si vous avez des petits messages à nous passer, surtout n'hésitez pas, s'il se passe quelque chose autour de vous, on sera un plaisir de le relayer donc à l'antenne de RLM. Effectivement. Eh ben, je vous propose c'est de faire une petite coupure musicale. C'est bien. Avant de se retrouver donc sûrement avec le tirage du défi mix. Bien sûr. Ah, oui. Comme on reprend sur RLM, on a l'œil du tigre et on va partir l'œil tout du tigre. Ouais, on a l'œil du tigre. Donc on va partir avec Survivor et Eye of the Tiger. C'est parti. Yeah. Thank you. 107.9 FM. Et bien maintenant, c'est le moment fatidique qu'on adore. C'est le défi mix, donc défi mix de Stéphane, donc qui est avec nous ce soir, je le rappelle, pour ouvrir cette nouvelle émission. Et je rappelle, donc un tirage au sort sur des titres qui vont remonter jusqu'au début des années 80, jusqu'à nos jours, donc 38 ans, 4 décennies. On peut tirer. Un petit mélange, et puis ben, je compte sur vous hein, pour me. Eh ben, on va tirer au sort. On va sortir des titres sympas, mais maintenant c'est le tirage au sort qui va faire que. Mais je pense qu'il va. Eh ben, tu veux demain innocente ou vierge ? C'est pour savoir si c'est moi qui tire ou Onissa. Non, mais je préfère Onissa. C'est fait. Innocente. Alors, ben, chacun trois, allez, Canon et puis. Chacun trois ? Ben oui, allez, chacun trois, Canon, et puis notre ami Onissa. Alors, il va falloir que tu. Ah, allez. Attention, ce sera peut-être pas chantable, hein, je précise. Oui, c'est possible. Ouais, c'est ouais. Possible. Chaque attaque, Nightbird. Oula. Ouais, non. Bon, non, peut-être pas le chantonner, ah, ça. Mais vous allez redécouvrir tout ça. Ah, mais ouais. Non, c'est pas forcément des titres que vous allez chanter. Après, j'ai Jermaine Jackson et Pia Zandora. Ah oui. Ah ouais. Rain in the rain begins to fall. Ça ouais. Ta-da-na-na. Bon, bref. Non, merci. Vicious Pink. C'est tout juste ça. Can you see French Ecstasy Mix? Ouais, je sens que... Tu vas douiller. Merci pour la première, c'est sympa. Ah, avec plaisir. Oh, facile. Sweet dreams are made of... C'est, ça, c'est bien. Ouais. Ah oui, absolument. Eurythmics, Aloe Black, I Need a Dollar. Ah oui. Ça me dit rien. Si, ça te I parle. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Exactement. Oh, oh yeah. Il la chante comme ça. La mets pas alors. Bien sûr. Stardust, Music Sounds Better With You. Je vais quand même devoir refaire la écoute. Moi, tu connais ça? Ah bah oui, super, ça va être compliqué. Eh ben, bon courage, hein, ma petite lutte. C'est le premier défi mix, peut-être le dernier. Ah non. On compte sur toi. Alors, eh ben, donc là, du coup, c'est, on peut dire que t'as plus des années 90 et années 2000. On n'est pas, il y a pas d'années 80 là dans le dans alors, la sélection. Piazzadora, ah oui, oui, c'est vrai. Sweet ah bah oui, autant pour moi, enfin, évidemment, bien sûr, bien sûr. Yeah. Bah c'est bien, c'est bon, bah ça va te faire travailler un peu. Eh ben voilà, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire une petite coupure musicale le temps que tu puisses te préparer, à mon ami Stéphane. Oui, enfin, première puis, session. Je... Alors, s'il te plaît, pas un morceau de 2 minutes. Non, non, ben, écoute, je vais être sympa avec toi, je vais mettre 2 morceaux. Oh, c'est bon. Je vais mettre Machiavel avec Fly. Machiavel qui est un groupe belge. Hein. Ah ouais, ouais, c'est vrai, j'ai déjà entendu. Ça avait fait un gros gros succès en 80 et ensuite on va revenir avec Bronski Beat et Why. Très bien. Ah, ça fait plaisir à Canon. Je sais que ça fait plaisir à Canon. Allez, c'est parti. Fly. Wanna fly. It's been a long sur les hits RLM 107.9 FM. Tell me why. Tell me why. 107.9 FM. Jimmy Somerville, hein, du groupe Broskivit. Hein. Mais ah, oui. Complètement. Ça, c'est un titre des années 80. C'était très bon. Il faisait la, je crois que c'était la pub Peugeot ou Zemmola qui Citroën, était en train de faire. Je sais plus laquelle. C'était peut-être Citroën, je pense, de mémoire. Ouais. Mais c'était génial. Hein. Ouais, absolument. Et qui tourne encore, hein, d'ailleurs, Jimmy Somerville, qu'on voit encore sur des plateaux des années 80 et qui chante toujours en direct. Oui, petite anecdote. Très vite, il y a un vagabond qui est en train de jouer de la guitare en Angleterre et Jimmy Somerville promène son chien. C'est vraiment du réel. Le mec, il chante bien. Puis t'as Somerville qui se met à côté. Ils font un duo. C'est exceptionnel. Regardez sur Google. Ah ouais, comme ça, Somerville dans la rue, je sais plus quoi. Ah ouais, suite ça doit être sympa. Ça doit être sympa. Voilà. En parlant d'impro, tiens, ça tombe bien puisqu'on est avec Stéphache. C'est notre roi de l'impro. Et oui, avec le défi mix. Oui, alors je vous préviens, ça va être vraiment de l'impro. Alors forcément, c'est le défi mix. Eh ben oui, c'est le but. Alors, ça va être t'as surtout, eu chaud. Surtout folklore, parce que merci pour votre tirage au sort avec des morceaux, avec des variations de BPM très sympas. Mm-hmm. Très, très sympa. On te fait confiance, on te fait confiance. Comme, allez, comme d'habitude. On sait que tu vas gérer. Et ce qui change pas, c'est qu'il se plaint toujours. Oui, voilà. Ça, ça n'a pas changé, c'est vrai. C'est sympa pour la première. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va... S'éclater. Ouais, et puis on va voyager dans les époques, et ça, moi, ça me fait plaisir. Allez. Nom de Zeus. Tu sais que la première fois, ça fait toujours mal. Allez. À toi de jouer, Stéphache. Thank you. me. Bad times are coming and I reap what I done sowed. Well, let me tell you something, all that glitters ain't gold. Inside the bottle, maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me, you help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in the sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child that's got his own. Myself down to the bone, and I swear on Grandpa's grave I'll be paid when I come home. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. And if I share with you my story. Session, dis donc Stéphane, ça envoyait du lourd, ouais, ce soir. Ça m'a surtout donné chaud et ouais. Merci pour ce tirage au sort. Avec plaisir. C'était bien. Jermaine Jackson, enfin le grand écart là, hein, quand même. Bah, tu l'as bien fait. Alors si vous avez apprécié, évidemment, n'hésitez pas à nous balancer vos coms hein, sur notre page Facebook, 120 au compteur, si vous avez aimé ou pas. Ou pas, mais oui, ben, voilà. Oui. Donc, on accepte tous les commentaires. Voilà, la toute première session du défi mix de notre ami Stéphane, eh ben, n'hésitez pas à balancer donc, vos commentaires. Tiens, en parlant stop de balance. Stop ou encore. Hein. En parlant de balance, nous sommes avec Canon. Bien vu. Et oui. Bien vu. C'est à moi déjà ? Eh ben oui, c'est à toi. Voilà, vous voulez que je vous parle de la chronique ? Oui, bien sûr. Je vais essayer de vous faire découvrir un groupe mythique, etc., mais dans une façon inversée. Je vais vous donner plein d'indices et vous allez essayer de le découvrir. Et chers auditeurs, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à participer. Je vous parle, moi, d'un temps que les moins de 30 ans comme moi, à 20 ans près, ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un groupe composé d'un bassiste, d'un guitariste, d'un batteur et d'un chanteur. Vous l'avez compris, c'est une histoire d'homme. Le chanteur, presque aussi beau que Sherlock, porte une coupe de cheveux qui ressemble à Caniche Royale, qui sort d'un lavage automatique, ou à Onissa qui vient d'avoir bu une coupe. Le premier nom de ce groupe, c'est plutôt Force One. Ah ouais, ou Nine. Force One. Ou Force Nine, ça vous parle pas ? Non. Allez, ce groupe rencontre le rock SM, tremplin artistique pour une maison de disques et le groupe se voit offrir en fait rien que la réalisation d'un album et d'une tournée. Ils ont gardé un radio crochet dans leur pays d'origine et le groupe change alors son nom pour se rebaptiser. Ben, c'est à vous de le deviner un petit peu à la fois. Le nom du groupe est inspiré par deux albums de Deep Purple. Le dernier album donne l'idée au chanteur, de leader du groupe en fait, de donner le nom qu'il porte actuellement. Les deux premiers albums sortent en 1983 et 1984, typiquement dans le genre heavy metal, avec des titres orientés plutôt speed metal, et qui rencontrent un franc succès au niveau national et sont en très bonne place des classements en Asie et notamment au Japon. Ça vous parle un peu ? Non ? Un peu moins. Je vais vous donner un peu d'indices après. Hein. Le groupe, la carrière des musiciens prend un tournant très très vite à la suite en fait de la signature avec un label très connu qui est Sony. Ce contrat international permet au groupe de distribuer leurs albums partout dans le monde, y compris sur les États-Unis. Ils accueillent pour ce faire un claviériste. S'est imposé par Sony parce qu'on trouvait qu'ils avaient des influences un peu trop métal. Et donc ce claviériste, parce que quand vous allez le découvrir, vous allez dire mais évidemment c'est quelque chose, on le connaît tout de suite. Hein. Donc je sais, je vous donne des petites pistes, mais ça reste un peu nébuleux. Alors un petit indice, le groupe s'affichera dans le film On the Loose. On the Loose. Est-ce que c'est un groupe rapide, mais est-ce que rapidement c'est un groupe qui a été connu aussi pour des balades ? Il y a une balade mythique dedans. C'est alors là où on se place au niveau courant musical, ce qu'on appelle balade. Par rapport à un groupe métal, oui, c'est sûr qu'il a fait une balade. Donc, je m'y retrouve plus. Alors. Une balade. Non, c'est parce que c'est pas grave. Alors, il faut savoir que dans ce film, la chanson titre figure en fait sur le plus prestigieux album qu'ils ont pu sortir. Ça vous parle pas ? Non, toujours pas. D'accord. Avec un gars qui a des cheveux. Non, ça vous parle pas. Ah oui. Alors, est-ce que ça. J'en joue le test. Est-ce que c'est. Non. Est-ce qu'ils ont fait. Ils sont connus que pour un seul titre, essentiellement ou Non. Non, ils ont trois titres phares. Et je me dis d'ailleurs que si leur premier titre avait été fait à Bruxelles, ça aurait été vraiment quelque chose de fabuleux. Parce que ça aurait été très représentatif. Ah ouais. Toujours pas. Non, c'est la capitale de. Non, toujours pas. De la Belgique. De la Belgique, évidemment. Oui, oui, oui aussi, ouais, d'accord. Ah, mais ça y est, je l'ai. C'est bien, mais tu le dis pas. J'ai failli le dire. Bah, donne-moi un indice. Hein. Un drapeau avec des étoiles. Un drapeau avec des étoiles, absolument. Voilà, hop là. Voilà. J'ai trouvé quelque chose. Yes. Donc, le niveau d'importance, en fait, le simple groupe, si je vous dis, je vais vous aider, si je vous dis la Suède. Ouais. Si je vous dis compte à rebours final. Oui, d'accord. Non, mais c'est moi qui l'ai trouvé d'abord. Voilà. Et si je vous dis Kerry. Ah oui, j'adore. Voilà. Voilà, c'est ça la balade. Et je vous dis dans ces cas-là, je vous laisse avec trois extraits de ce groupe et je vous invite en fait à me dire ce groupe mythique et le redécouvrir puisqu'il a un titre phare qui s'appelle The Final Countdown. Mais vous avez deux titres qui ont été très connus et je vous parlerai après ça en fait de ce qu'il est devenu. Oui. Allez, là, c'est parti. When life slows down, Est-ce que ça vous a parlé? Oui. Évidemment. Là, ça va mieux, oui, effectivement. Vous avez reconnu le groupe? Oui, que vous avez retrouvé, etc. Je vous en parle rapidement. Bah, le groupe Europe, en fait, c'était l'album The Final Countdown, qui était beaucoup plus hard rock, donc mélodique que ses prédécesseurs, qui étaient vraiment donc très très métal. C'est sorti en mai 86 et ça donne donc au groupe sa percée internationale. Est-ce que vous saviez qu'actuellement, les refrains de Final Countdown sont un véritable classique de hard FM ou dans les interludes dans les stades ou les meetings politiques, surtout aux États-Unis? Ça tourne en boucle et ils se continuent à se faire de l'argent avec ça. Absolument. L'imagerie d'Europe, en fait, se caractérisait par une chevelure permanente des groupes. Le look de Joe Tempest, en fait, qui était fortement influencé par la vogue glam avec les coupes de cheveux type Robert Plant, Led Zeppelin, look, etc. Bon Jovi. Le Final Countdown Second a plus de, à votre avis, combien de millions d'exemplaires? On en est en millions, hein. 10 millions d'exemplaires, certifié 3 fois disque de platine aux États-Unis, France, Allemagne, etc. Il s'est vendu donc énormément. Et donc, il concurrence en fait, c'est-à-dire c'est un trésor de guerre par les experts du rock, puisque c'est un album en fait que les distributeurs d'audiovisuels continuent à écouler par palette. Ça tourne avec AC/DC, Black de AC/DC, Machine Head de Deep Purple, Hysteria de Def Leppard, c'est des albums qui continuent à tourner. Et donc, il faut savoir qu'il y a quand même des tensions qui sont apparues dans le groupe avec Joss Noron, en fait, notamment, qui n'a pas supporté la médiatisation excessive et puis tout ce monde de paillettes, et a trouvé surtout que ça devait bubblegum, puisque l'arrivée des claviers, en fait, que le groupe a commencé à disparaître, en fait, par rapport à son... à sa vocation au départ. Alors, pour savoir ce que le groupe devient, j'étais cherché un peu rapidement. Il a fait énormément de choses, on ne peut pas en parler des heures, mais en mars 2016, en fait, il annonce une tournée The Final Countdown spéciale 30 ans, qui devait se faire en 2017. Elle est reportée logiquement pour 2019, donc on ne sait pas ce que ça va devenir. Par contre, ils ont écrit en 2017 ici un album qui s'appelle Walk the Earth. Je ne sais pas si tu connais. Non, ça ne te parle pas. Et qui donne en fait un peu ça. C'est pour vous faire écouter un titre. Et vous allez voir que le chanteur garde toujours sa voix, mais ça tape et je vous laisse après ça. The Earth, donc l'album fait par le groupe Europe que Onissa avait deviné. C'est ouais, bien, hein. Oui, c'est bien. Ouais. La première, hein, The First Lady. Yes. First Lady. Voilà, donc je ferai des chroniques comme ça régulièrement et c'est la première, on va les mettre un petit peu en ordre de telle façon que ça soit plus mélodique. Hein. Écoute, c'est déjà une bonne rétrospective sur le groupe Europe et on est content de savoir qu'ils existent encore. Oui, et puis il y a encore gardé une belle voix. Oui. Hein. Toi, tu existes toujours, évidemment. Oui. Une petite coupure musicale. Ouais. Alors, on va partir dans les années 90 maintenant avec Delight et Groove is in the Heart. Oh, oui. Allez, c'est parti. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun. I couldn't ask for another. I couldn't. you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, witty, can't think, quitty, quitty. Stomp on a stoop when I hear a funk group. Blue playing pop punk, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. Appelle-nous un peu le titre, Sherlock. C'était Groove is in the Heart. Ouais, très psyché, le clip. Ouais, complètement, ouais. Carrément. Eh bien, maintenant, c'est notre voix féminine à nous. On a toujours plaisir à l'entendre. C'est Onissa qui va nous faire un petit, une petite chronique sur, à mon avis, un dessin animé que vous connaissez. Onissa. Oui, on va parler du Capitaine Flamme. Oui. Alors, c'est tiré des romans de Edmond Hamilton en 1940. La première diffusion, c'est le 7 janvier 1981 sur TF1. Donc, je vais vous parler des personnages. Donc, il y a Curtis Newton qui devient le Capitaine Flamme. William et Hélène sont les parents de Curtis. Il est accompagné de trois futurs men. Donc le professeur Simon White, qui est un savant dont le cerveau a été conservé. Krag, un robot d'une force herculéenne. Mala, ça c'est l'androïde protéiforme qui peut changer de forme comme il veut. Ça s'appelle du polymorphisme. Pourquoi tu me regardes ? Il y a Limaï, chien de, c'est le chien ami de Krag. Frigolo, l'animal qui se transforme comme Mala. Il y a Joanne Landor, c'est l'agent secret des polices des planètes, qui est amoureuse du Capitaine Flamme et qui vit avec lui. Et il y a le président cacheux, président du système solaire, qui dirige tout, qui appelle le Capitaine Flamme. Et il y a Ken Scott, c'est un petit orphelin admirateur, qui deviendra au fur et à mesure le fils adoptif du Capitaine Flamme. Donc eh ben, ça me rappelle plein de souvenirs. Oui, c'est vrai qu'il y a bien Je me rappelle pas qu'il y avait autant de personnages. Ouais, y en a beaucoup. Ah non, mais ça c'est que les principaux. Après, bien sûr, je vous raconterai un peu le cosmolène, l'histoire et la fin qui est pas mal quand même. Bah alors le Capitaine Flamme, il s'appelait pas le Capitaine Flamme à la base. Non, il s'appelait... Curtis William. Non, parce que c'est américain à la base. Oui, c'est vrai. C'était le Captain Future. Ah oui, absolument. Ah, ouais, c'est vrai, c'est juste. Ouais. Ouais. Je confondais avec Harlock, c'était... comment, Albator, qui portait un autre... Oui, Captain Harlock. Ah oui, c'est ça. Ouais, absolument. Eh bien, écoutez quoi, tu vas nous parler tout à l'heure de l'histoire, parce que ça va nous rappeler des souvenirs, juste après donc cette coupure musicale. Oui. Avec Axel Red et Sensualité. Yeah, ça va bien avec Onissa. Pour moi, oui. Ça va bien avec Onissa. Effectivement, allez, c'est parti. Quelques temps alors, nous parlions du Capitaine Flamme, donc, qui se souvient du Capitaine Flamme? Ah moi, bien sûr. Évidemment, ça a bercé notre jeunesse. Oui, donc il était vraiment au service du gouvernement intersidéral, il se consacre vraiment toute sa vie à la justice et à la paix dans l'univers. Et qui se souvient de la fin, quand même? Pas du tout. Oui, de la fin. Non, d'avoir non. Ton... Bah, il repart vers de nouvelles aventures, je suppose. Il épouse Maya l'abeille. Non, non, il n'épouse pas Maya l'abeille, il épouse Joanne, quand même. Bah oui. Ah, oui. Donc, à la fin, en fait, avec le Cyberlab, il se retrouve sur la planète Titiana. Et là, il découvre une pierre qui leur indique l'existence d'une caverne de vie. De là où tout est parti, l'histoire, en fait, c'est à cet endroit que deux scientifiques, en fait, ont tout transformé les hommes en hommes tigres, en hommes singes, et ainsi de suite. Donc, ils libèrent les deux savants qui sont endormis depuis des années. Et là, en fait, ils réussissent à intervenir auprès de toute la population. Le seul bémol, entre guillemets, c'est que ces hommes-là ne retrouveront jamais leur apparence humaine. Ça, il faut attendre la génération suivante. Allez, Sherlock, il va falloir que tu fasses ça. Donc, il y a un espoir quand même avec les enfants. Et donc, ils réussissent à, ça prend plusieurs semaines, ils réussissent à faire passer tout le monde dans le courant. Et les deux savants, qui sont très très puissants et qui sont à l'origine de tous les problèmes qu'il y a eu sur la Terre et les changements, eux décident de partir pour éviter justement de... Allez, que ça retombe et que ça recommence l'histoire. Et Capitaine Flamme, bah, lui, qui était orphelin et qui n'avait plus de parents, il se retrouve quand même avec une femme et un enfant et des amis précis. Oui, ça finit bien quand même. Alors, il paraît que c'est tiré d'un roman. Oui, c'est tiré d'un roman, je l'ai dit, de Edmond Hamilton, en 1940. Ah oui, c'est 1940. Donc à cette époque-là, il parlait déjà des ravages de toutes les progrès scientifiques sur l'espèce humaine et ainsi de suite. C'est vrai que ça joue et n'empêche quand même qu'il faut savoir que c'est Jean-Jacques Debout qui a fait la musique. J'étais étonné moi. Le cœur de Chantal Goya. Et bah ouais, quand même. Attends, il en a écrit pas mal. Hein. Oui, oui, ouais, semblant de rien. Ouais, bah ouais, absolument. Et ça m'a fait du bien de replonger là-dedans, je trouvais. Bah, nous aussi. Bah, écoute, c'est sympa. Ça nous rajeunit pas, mais ça nous fait du bien. Non, après, bah, c'est notre génération aussi. Capitaine Flamme. Hein. Et on va avoir le générique quand même. Ah, j'espère, oui. Il est en train de tourner derrière. Hein. Ah oui. Ah, je l'entendais pas, dis donc. Ça rappelle des souvenirs. Ah, bah, là, on est à la fin. Hein. C'est dommage. Mais bah, c'est toujours, je suis à la fin aussi, moi. Donc. Et bah, voilà, c'est magnifique. Mais bon, ça rappelle des souvenirs, j'aime bien. Bah merci, c'était bien. Ouais, bah merci à toi. Bien. Et ben bah, écoute Sherlock, bon, on va continuer en musique. Oui, alors avec les charts et notre monde à nous. Ah, Calogero, on parlait des galaxies. Premier groupe de Calogero. C'est Calogero qui se faisait appeler Charlie à l'époque. Ouais. Parce que Calogero, c'est le nom, enfin son vrai nom. C'est son vrai nom, hein. C'est, ouais, son, c'est son vrai nom. Je connais plus Calimero, mais bon. Non, mais c'est pas le même. Je te moque pas de Calogero, il y a des auditeurs qui adorent Calogero. Ah, mais moi j'adore, hein, attention. Hein. Donc le groupe, ils étaient trois là-bas, c'était Calogero, son frère, alors je ne sais plus son prénom, et il y avait un ami à eux. Et ils viennent de, c'est à côté de Grenoble, et Chirol, voilà. Oh super. Bah oui, parce qu'il le dit dans une de ses dernières chansons. Oh. Oh, okay. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Nos corps chiens et des loups, il y en a partout. Même si on rit de nous, que les vents nous secourent, faut rester debout. Danser fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et toujours dans l'émission 120 au compteur, bien évidemment. Et là, c'est le moment de, bah de d'apprécier la deuxième session du Défi Mix, Stéphane. Du Défi Mix. Donc ça veut dire, encore une fois, des bons souvenirs sur ces 40 dernières années. Mais j'espère que vous allez faire un bon tirage au sort, pas trop compliqué quand même. Bah écoute, on va faire ça. S'il vous plaît. Bah si, c'est plus rigolo. C'est beaucoup moins drôle. rappelle-nous un peu le principe. Le principe, c'est que donc, vous tirez au sort 6 titres parmi plus de 800 titres. Toute période confondue et puis même différents styles confondus et puis objectif pour moi c'est d'en faire une seule session, de mixer les morceaux alors, au tempo dans la mesure du possible parce qu'il y a des grosses variations justement au niveau du tempo. Et là c'est très large quand même. Ouais. On passe vraiment des titres là. J'ai un titre des années 80 avec un titre d'aujourd'hui. Tu vas t'amuser mon ami. Ce qui m'inquiète c'est le rire d'Onissa à côté de toi. Alors à toi l'honneur Onissa évidemment de pour nous donner les premiers titres de la session. Alors psycho. Sid, ouais. Ok. Oh là là, qu'est-ce que c'est ouais. Ça. Oui, oui. Alors, après, Army of Lovers. J'adore ce clip. C'était excellent. Oui, oui. Absolument. Et après, Jean-Jacques Goldman, au bout de mes rêves. T'es donc, pas dans la galère. Alors là, tu vas t'amuser, moi, de mon côté. J'ai Soprano avec Clown. Ma fille est fan, elle me le demande tous les jours. Ouais, ça peut être facile à placer non plus, ça. Hein. Non, ça va être. Alors après, Caméo, je connais beaucoup moins, avec Monet. Ah, là, on est parti dans l'électro. Oui. Ah ouais. Ouais. Ça va être rétro, années 90. Et là, Jean Schultes, avec Confidence. Excellent. Ouais. Alors, surtout Caméo. Tu vas t'amuser. Je présente ma démission. C'est mal barré. Je propose une coupure musicale avec 5 titres. T'as une minute et demie cette fois. Non, donc allez, je vais mettre 2 titres pour te faire plaisir. On va partir avec Psy et Angelina. Alors oui. Psy, c'est en majuscule parce que c'est les prénoms des chanteurs. Ouais. C'est Pierre, Stéphane et Yacine. Ah, c'est mieux Psy quand même. Rien à voir avec le Psy du Gangnam Style. Non, rien à voir. Là, Yacine déjà une jambe, c'est très bon. Ensuite, on reviendra avec Powo et le chat. Powo qu'on avait vu. Absolument, on l'avait déjà vu en interview et qu'on aura certainement peut-être encore une fois en interview pour l'émission sur notre compteur. Ce serait bien. Ah oui, ce serait vraiment bien. Allez, c'est parti. litière, mais comme bulle de litière, me toujours rester à toi. Prendre des michafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être chat et ne risquer de tes doigts que le caresse sur moi. Tu ne comptes pas sur moi pour dormir sur le sofa. Je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera RLM 107.9, et oui, dans l'émission 120 au compteur. Voilà, ça y est. Voilà, je dérape. 120 au compteur. C'est à l'heure. Je recommence. 120 voilà, avec chronicouteur. Voilà, 100. Oh, mais bah, bravo. 120 au compteur sur RLM 107.9. Et c'est l'esprit région. Voilà, absolument. Et donc, toute nouvelle émission. Hein, vous allez nous entendre maintenant tous les mardis, on le rappelle, donc de 20h à 22h. Oui, moi, sûr. Toi, c'est moi, sûr. Vous êtes toujours donc avec Harry, parce que c'est vrai que les gens qui vont reconnaître notre voix après. Et Canon, évidemment. Merci, Onissa. Et notre ami Sherlock. Oui, voilà. Et ce soir, on a en guest star. Alors, c'est pas David Guetta, c'est en mieux. On a Stéphane qui est avec nous pour le défi mix. Lui, il peut jouer deux notes en même temps. C'est ça. Exactement. Alors, Stéphane, rappelle-nous un peu le principe du défi mix. Bah, un bon petit tirage au sort. Donc, vous avez tiré 6 titres parmi plus de 800 titres sur les 4 dernières décennies. Donc, un bon petit mélange d'époque, de style, mais je pense que ça devrait sortir quand même quelque chose de sympa. Enfin, on va essayer en tout cas. Tu m'expliqueras comment tu vas mixer du soprano avec du Jean Schultes. Alors là, non, ils n'iront pas forcément ensemble. D'ailleurs, Jean Schultes, il passera en seconde position, mais on va démarrer avec Army of Lovers. Ah oui, très bien. Attendez-vous du son, les enfants. Yeah. Allez, c'est parti quand tu veux. FM. Ça, c'était du défi mix. Hey, soprano, alors franchement, pour mixer. Attends, tu nous as mixé Soprano avec. C'était quoi le titre avant là? C'était quoi avant? Caméo, Monet. Oui, bien sûr, c'était Monet de Caméo. Donc c'est années 90. Ça. Année, ouais. Là, années 90, et puis bon, Soprano, année 90. 2000. Ah, on reconnaît ici le français. Hein, ouais, ah, ouais. C'est 90, Charles. On parlait d'acide, oui, bah, moi oui, j'avais un débat d'idées. Hein. Je disais, c'est vrai que l'acide musique, moi je suis convaincu que ça plaît encore. Les auditeurs, là, si vous êtes sur le Facebook, dites que vous aimez l'acide musique. Ça marche, l'acide musique. musique. Précise, acide musique. Oui, parce qu'on avait Psycho avec acide, d'acide, ouais, c'est ça. Ah oui, ça, c'est fin des années 80. Ah, c'est toute une époque. Ouais. Ça rappelle sa jeunesse. Le gars, il s'est fait du pognon avec le badge. Il a racheté les droits, en fait. C'était un gars qui avait. C'est un truc tout bête. C'était Forrest Gump. C'était ça. Il a racheté les droits d'exploitation et en fait, il s'est fait du pognon, le gars. Mais c'est formidable. Ah ouais, je fais une photo de votre tête. Avec un peu de chance, je me ferai de l'heure. Bah, t'es sûr de faire du pognon avec notre tête. Qu'est-ce que tu crois? Bon, alors moi maintenant, je vais essayer de vous faire deviner un petit film. Yeah. Bon, je vais vous dire, c'est un film qui est sorti en 85. La musique est de Maurice Jarre. Oh. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, Jarre, oui. Bien sûr. Bah oui, c'est le papa de... Bah Jean-Michel. Jean-Michel. Effectivement. Alors, une des musiques du film, c'est celle-ci, écoutez. Bah oui. Alors, ça vous dit quelque chose, cette musique? Ouais, bah. Alors, mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Dès que je fais un film, tout le monde trouve au bout de 30 secondes, même pas. Sauf moi. Oh, c'est vrai, à part Onissa. Mais j'ai quand même trouvé le groupe Europe tout à l'heure. Mais c'est sorti le 22 mai de 85. Un mercredi. Et oui, effectivement, c'était un mercredi. Alors Onissa, c'est tout ce qu'elle connaît. C'est que ça sort c'est culture années 80, c'est ça sort le mercredi. Voilà, effectivement. Non, mais je vais essayer de vous passer un petit extrait du film. Écoutez bien, ça dure une petite vingtaine de secondes. Il vous fait de Hot Lightner? Il est reparti. C'est un ami de la famille, un vrai fils pour Ellie. Vous vous y connaissez en menuiserie? Oui, je bricole. Vous savez faire autre chose? Molester. Je moleste comme personne. Molester ne sert pas à grand-chose dans une ferme. Alors? Bah oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors il faut savoir que la voix qu'on entend... C'est pas l'originelle. Non, c'est pas la voix originelle. Et le truc, c'est que l'acteur qui fait donc apparemment qui travaille le bois a vraiment travaillé le bois dans la vraie vie. Hein. Ah ouais. Il a commencé comme ça. Il a dansé aussi. Non, je pense pas. Non. Tu pensais à qui? Hein? Tu pensais à qui? À la même chose que toi. Je pensais à Pinocchio. Non, c'est pas ça du tout. Bon, je vais vous repasser un autre extrait du film. Écoutez bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce conforme à leur nom? Je n'ai rien fait contre les règles de l'ordre. Rien fait? Tu amènes cet homme chez nous avec son arme de feu. Tu amènes la peur chez nous. La peur des Anglais armés qui le poursuivent. Je n'ai pas péché, Ellie. Peut-être pas encore. Mais dis-toi qu'on dit le contraire. Tu sais de quoi les gens ont parlé? Ils ont parlé d'aller voir l'évêque et de lui demander de te chasser. Eh bien, laissez-les donc parler. Ne le prends pas à la légère, Rachel. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire très facilement. Sais-tu ce que ça veut dire, chasser? Fini de m'asseoir à table avec toi. Fini d'accepter ce que ta main me tend. Fini d'aller au culte avec toi. Oh, enfin, ressaisis-toi. Alors, moi, je suis perdu. Je pense qu'il y a la communauté mormone? Non, pas vraiment. C'est pas celui-là, alors. Non, c'est pas la communauté mormone, c'est plus celle-ci. Les Amish de mes Amish. Ah oui, sont mes Amish. C'est ça, c'est les Amish. Donc c'est bien le film auquel je passe. Les Amish de mes Amish. Voilà, c'est ça. Il y a un rapport avec la guerre des étoiles, évidemment. Un très grand rapport, ouais, effectivement. Et le thème du film, c'est celui-ci. Bon, il est un peu long à se lancer, malheureusement. Ah oui, j'allais dire, c'est pas intéressant. Bah, c'est Maurice Jarre, hein, il était pas tout jeune, donc. Ça, c'est une blanche. Ouais. Bon, alors je vais vous donner les noms des acteurs. Il y a Harrison Ford, forcément, qui faisait partie de la guerre des étoiles. Donc c'est lui le lien avec la guerre des étoiles. Kelly McGillis, Lucas Haas, Joseph Sommer. Les autres, on les connaît pas trop, donc on s'en fout. Il y a Viggo Mortensen, par contre, qui joue dedans, qui jouait le rôle de Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Donc c'est un film de Peter Weir. Et le film a fait quand même 2 206 000 entrées au box-office français. Il a reçu 3 prix, donc 2 Oscars et 1 BAFTA Award, et 19 nominations. C'est dingue quand même. Terrible. Oui. Alors, est-ce que vous avez trouvé le film? Bien sûr. Bien sûr que non. Witness. Oui, bravo. Très bien. Effectivement. Pourquoi c'est toi qui le dis? Je l'avais depuis le départ. Je sais pas. Il pose la question, et répond. Toi, tu tapes dans les micros, tu fais des bruits avec les micros et tu donnes des réponses. Non, mais c'est quoi cette histoire? Ah, il fallait pas donner la réponse. Et, sais pas. Non, non, mais c'est très bien. Tu l'as frustré. Parce que tu crois que c'est parce que c'est la première avec le président et non, tu vas commencer à me piquer mes films. Alors, on va se mettre une petite musique. Ouais, vas-y, mets-nous en une petite. Voilà. On va revenir juste après, donc Absent Minded et Envoy, et je vous donnerai quelques petites anecdotes sur le film. Allez-y. FM. Eh oui, donc on est toujours donc dans la chronique rétro-ciné. Je vais maintenant vous parler des anecdotes du film Witness. Donc il faut savoir que le scénario de Witness a circulé à Hollywood pendant toute la première moitié des années 80. Il a été écrit par deux auteurs de télé à partir d'un scénario non retenu pour la série western Gunsmoke, qui a été d'ailleurs l'une des plus longues séries de l'histoire de la télé américaine avec 20 saisons entre 55 et 75. Enfin, 75. Witness faisait alors 182 pages, soit 3 heures de film, et avait été refusé par tous les studios. En 83, après quelques modifications, notamment suppression de nombreuses scènes sur le mode de vie des Amish, le producteur le proposa à la 20th Century Fox, qui le refusa, arguant que le studio ne faisait pas de films ruraux. Il faut savoir également que Sylvester Stallone était le premier choix pour le rôle de John Book, donc qui est joué par Harrison Ford. Et pour la petite anecdote, Sylvester Stallone a récemment avoué qu'on lui avait proposé le rôle et que son refus était le plus grand regret de sa vie professionnelle. En effet, au lieu de Witness, il a préféré faire la comédie New York Cowboy avec Dolly Parton, qui est un des pires films de sa carrière. Je confirme. Jack Nicholson avait également été envisagé, donc Jack Nicholson qui avait notamment joué dans Shining, par exemple. Ah ouais. Alors, c'est quoi ? Actrice de théâtre remarquée dans un second rôle, Reuben ou La vie d'artiste, en 83, Kelly McGillis ne tourne que pour la deuxième fois au cinéma dans Witness. C'est ce rôle qui lui vaudra d'être remarqué par le producteur Jerry Bruckheimer. Il lui proposera le rôle principal féminin de Top Gun aux côtés de Tom Cruise, troquant pour l'occasion ses cheveux bruns pour une longue crinière blonde. Et enfin, donc, oscarisé pour les légendaires musiques de Laurence d'Arabie et du Docteur Jivago, Maurice Jarre, père de Jean-Michel, a reçu sa 7e nomination aux Oscars pour la sublime musique pleine de synthétiseurs de Witness. Il travaillera à nouveau avec Peter Weir sur la musique du Cercle des Poètes Disparus et de Mosquito Coast. Ah, c'est voilà lui qui a fait pour les petites anecdotes. Et à part, d'accord. Donc, bah, vous l'aviez vu, donc le film Witness. Oui, oui. Pas non, c'est bon. Tu as l'histoire, par contre, Sherlock ? Ah oui, alors bah, l'histoire, donc c'est l'inspecteur. Oui, pardon, bah, maintenant que j'ai trouvé le titre et que mon collègue t'a aidé. Oui, effectivement. Donc c'est l'inspecteur John Book qui enquête sur un meurtre dont le seul témoin est un jeune garçon membre de la communauté des Amish. Et donc découvrant que son supérieur est l'instigateur de ce crime, John Book se réfugie auprès de cette communauté pacifiste. C'est un beau film, hein. Oui, très beau. C'est un très beau film. Eh ben, n'hésitez pas à le revoir. Effectivement, on peut encore se le procurer, hein, Witness. Ah oui, oui. Oui. En VOD. De manière légale. Bien sûr. Bien sûr, bah, toujours de manière légale. Hein. Bah, enfin. Évidemment, il n'y a pas tout entendu. Hein. Bah non, non. On est bien d'accord. Allez, on se retrouve tout de suite après LP et Lost on You. 102 au compteur. Et ben c'est toute nouvelle émission. Hein. Non, c'est 120. Ah ouais, voilà. Mais toi tu décélères. Tu sens que c'est la fin, tu décélères. Ça y est. On est dans. Mais décidément. Vous êtes dans 17 à l'heure. Lève-toi de bonheur. Et non, mais en même temps. Alors, à ma décharge. Ça fait un peu les grosses têtes. Hein, à ma décharge. C'est la première émission aujourd'hui, ce soir. Voilà. Et donc, on essaye un peu de se cadrer, effectivement. Et je pense à plein de choses. Et j'attendais le petit doigt, Sherlock. Et j'étais, je sais pas, fixé sur son petit doigt. Et je sais pas pourquoi. Mais alors, donc, on est dans l'émission 120 au compteur, donc toute nouvelle émission que vous venez de découvrir ce soir. Donc on a encore quelques minutes, hein, profitons-en. Déjà pour rappeler qu'on a aussi une page Facebook, hein, donc émission 120 au compteur sur RLM 107.9. Si vous voulez donc nous balancer vos coms, surtout n'hésitez pas, et ça nous ferait plaisir nous dire ce que vous en pensez. Dis donc, moi je vais en profiter, j'ai la parole, je la garde. Hein. Vas-y. Voilà. Et oui, une petite chronique inattendue, tiens, je vous en avais parlé durant le sommet. Mère, vous parlez de petits produits, de publicité, de ce qui nous a marqué ces 40 dernières années, on va dire. Tiens, là je vais vous parler d'un produit, je suis sûr que ça va vous parler. Ça avait envahi toutes les chambres des années 80. Alors ça a été créé à la base par un Français. Je vais vous donner le nom. Il s'appelle André Cassagne. Ça vous parle ? Non. Bon, c'est normal. Donc créé par un Français donc dans les années 50, ça a été introduit aux États-Unis dans les années 60. Mais c'est arrivé en France un peu plus tard, dans les années 70. Et aux États-Unis, ça s'appelait Act a Sketch. Act a Sketch, qui veut dire grave un dessin. Ah oui. Ah, ça y est, ça te parle peut-être. À l'époque, on aimait bien le secouer vivement, vous voyez ? Ça je vois parle. Tout à fait. Oui. Voilà. Voilà. Non, Sherlock, c'est pas ça. Pour les moins avertis. Il y avait deux petits boutons. Exactement, il y avait deux petites molettes. Alors, c'était des petites bordures rouges tout autour. Il y avait deux petites molettes à l'extrémité basse qui vous permettaient d'aller vers le haut, vers le bas. C'était couleur dorée et vous secouez. Évidemment, je vous parle de. Télé-écran. Le télé-écran. Exactement, voilà. Et ça s'appelait aussi l'ardoise magique. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. L'ardoise magique, voilà, absolument. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, à l'époque, quand même, sur le boîtier, vous aviez des super dessins à reproduire. Ouais. C'est impossible. Il fallait se lever de bonheur. Ouais, c'était pour pouvoir surtout quand tu voulais faire un rond. Voilà, mais c'était possible. Alors, il fallait avoir Bac plus 12 pour faire un truc comme ça. Voilà, exactement. Il fallait être délicat. Voilà. Et aujourd'hui, ça vaut très, très cher au marché aux collectionneurs. Ouais. Non, pas au marché noir, marché des collectionneurs. Oui, non, c'est vrai, ces objets-là, vintage. Totalement. C'est vrai que c'était un peu l'ancêtre de la tablette. Hein, oui, mais vraiment l'ancêtre. Ouais. Alors, vraiment. On jouait avec ça, on se marrait bien. Donc, effectivement, c'était le téléécran. L'ardoise magique. C'est vrai qu'on en a tous. C'est de 70 ça? Alors, c'est même des années 50. Oui, mais en France. Et en fait, visiblement, le père Cassagne l'a sorti aux États-Unis dans un premier temps, et ensuite c'est arrivé en France dans les années 70. Ouais, ben, cool. Ouais, écoute, c'est vrai. Écoute, je vais voir si je ne pourrais pas vous la retrouver. Je ne suis pas certain. Ouais. Mais sinon, je vous ramènerai Simon. Le Simon. Pourquoi pas. Donc voilà, c'était Télé-écran. Super. Voilà, c'est très bien. Moi, j'aimais bien le télécran. Alors, ça valait le coup. Merci pour cette intervention, Sherlock. C'est le mec qui te sort un truc, il sort te dire on s'intéresse. Mais maintenant, je voudrais parler d'autre chose. Il est occupé que ses écrans, Sherlock. Ouais, non, bon. Alors, je vous propose une petite coupure musicale avec Sia et Zayn avec Dusk Till Dawn. Et on revient juste après ça et je vous parlerai des sorties ciné. Allez, c'est parti. Trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just being you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up. fist. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you everywhere. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me. RLM 107.9 et je vais vous parler maintenant des sorties ciné pour demain en Belgique et en France. Et je vais d'abord commencer en fait pour les deux parce que ça sort en Belgique et en France. Avec le film Criminal Squad, c'est avec Gérard Butler, Pablo Schreiber et Curtis 50 Cent Jackson. Oui, ah, j'ai nommé. C'est un film de Christian Gudegast et donc ça sort en France demain. Et en Belgique également. Et donc, c'est chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont retirés de la circulation et détruits par la réserve fédérale de Los Angeles. Un gang de braqueurs multirécidivistes va tenter l'audacieux tour de force de mettre la main dessus. Mais ils vont se heurter à une unité d'élite de la police qui n'a pas l'intention de jouer dans les règles de l'art. Tous les coups sont permis pour coincer ces gangsters prêts à tout. Alors apparemment, il y aura même un troisième, on va dire un troisième larron qui va essayer de leur piquer tout ça. Ensuite, il y a le film Stronger qui sort également demain. C'est avec Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany et Miranda Richardson. C'est un film de David Gordon Green. Ça sort en Belgique et en France également. Et donc, ça parle des attentats qu'il y a eu à Boston le 15 avril 2013. Donc, il y a Jeff, 27 ans, qui était venu pour soutenir son ex-petite amie, Erin, pour essayer de renouer les liens lorsque la première bombe explose. Jeff perd ses deux jambes et donc on va le suivre dans son parcours pour essayer de retrouver une mobilité. S'il perd ses deux jambes, on ne devrait pas avoir trop de mal. On va le retrouver à la trace. D'accord. C'est ça ? Oui, alors... Ensuite, sort demain, donc en Belgique et en France, Les Aventures de Spirou et Fantasio. C'est avec Thomas Oliveres et Alex Lutz et Géraldine Nakache. C'est un film de Alexandre Coffre. Et donc, c'est le petit Spirou, donc prétendu groom dans un palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop. Tout commence très fort et plutôt mal. Ces deux-là n'ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le comte de Champignac, inventeur aussi génial qu'excentrique, est enlevé par les sbires de l'infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche en compagnie de Sécotine, journaliste rival de Fantasio, et de Spip, petit écureuil espiègle. Ils sont entraînés dans une poursuite effrénée entre l'Europe et l'Afrique. L'écureuil, c'est Skip, hein. Non, c'est pas Spip. Si, c'est Spip. Ça, c'est Spip. Et enfin, on va finir avec La Forme de l'eau. C'est un film de Guillermo del Toro. C'est sorti en Belgique depuis le 31 janvier. C'est avec Sally Hawkins, Michael Shannon et Richard Jenkins. C'est une modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultra secret qui s'appelle Elisa, qui mène une existence solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsque elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres. Eh bien écoute, merci pour ces sorties sinoches, Sherlock. Ben, il est temps pour nous de rendre l'antenne, juste avant le top horaire, et eh bien on va se saluer sur ces dernières secondes, oui, en vous souhaitant tous une bonne soirée. Et c'était bien pour une première. Et on se retrouve donc mardi prochain, même heure, même antenne. Bien sûr, ne quittez pas l'antenne donc de RLM 107.9. Et on se retrouve donc mardi prochain pour l'émission 120 au compteur. 120 au compteur, tu l'as bien dit. Allez. Voilà. On vous attend nombreux sur notre page, donc n'hésitez pas, vos premières réactions, on vous attend. Allez, ciao, bye ciao. Bye bye, ciao, ciao. Salut.